La bonne vieille, nous avait-elle vu? Fut simple coïncidence. En tout cas, le lendemain, mon père m'annonça que les vacances étant à peu près terminées, on m'embarquait le soir pour Paris. Au départ, Sarriette ne me parla pas. Nous nous trouvions deux maintenant à être timides. Je ne me serais jamais expliqué peut-être la singulière intervention du Lino dans ce nocturne duo d'amour sans un événement qui, je vous en demande pardon, va contrister la fin de cette histoire. 12 mois après l'aventure, presque jour pour jour, une dépêche m'annonça que Sarriette venait de mourir. Non pas d'amour, hélas. Un coup de foudre imprévu, une de ces maladies implacables qui en quelques heures écrase l'espérance d'une vie comme la fleur qui se rencontre sous le lourd sabot d'un bouvier. J'arrivais la nuit. Rien n'était changé. Comme un an auparavant, le clair de lune se jouait sur la cime des marronniers dorés par l'automne. Les mêmes bruits mystérieux passaient dans les branches. Seulement, deux cierges brûlaient au fond de la chambre, près d'un lit blanc jonché de roses, et sur le perron, devant la porte grande ouverte, une vieille femme pleurait. Elle me voit, lève les bras, m'embrasse. « Ah, mon enfant, mon pauvre enfant !» s'écrit-elle entre deux baisers douloureux, de longs baisers mouillés de larmes. Aussitôt, en fusée de vives de roulade, le lino se met à chanter. Et Grantan disait, m'entraînant vers le lit où dormait la morte, « C'est ton lino, il ne sait plus, depuis que le grand âge l'a rendu aveugle. J'avais l'habitude tous les matins d'embrasser Sarriette pour l'éveiller. Le lino s'éveillait aussi. Ce baiser était son horloge. Et maintenant il chante, croyant que je viens d'embrasser Sarriette, et s'imaginant qu'il fait jour. »